Je circule dans une voie de décélération et j'aborde un virage relativement accentué. Les chevrons bleus et blancs qui positionnent celui-ci indiquent son caractère particulièrement dangereux. À cet endroit, la vitesse est d'ailleurs limitée à 30 km/h. Réponse A et B.